بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، on continue bi'idhnillah nos cours de tafsir. Nous sommes arrivés à surat ad-duha, et notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: alam yajidaka yatiman fa'awa. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici, s'adresse à qui? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: ne t'avons-nous pas trouvé yatim? Yatim, c'est quoi? Orphelin. On a dit yatim, orphelin du père. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père est mort quand? Alors qu'il était dans le ventre de sa mère, sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit, comment on appelle celui qui a perdu sa mère uniquement? Al-Aji. Al-Aji. Et celui qui a perdu sa mère et son père? Al-Latim, avec un ta. En arabe, il y a trois mots différents. Et certains ont généralisé le yatim pour chaque cas de figure. Mais si on veut être précis, la langue arabe a un nom spécifique pour chaque situation. Sachant que le prophète est orphelin de père et de mère. Parce que sa mère est morte, on a dit que les gens de la Sira ont divergé sur l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque sa mère est morte. Certains ont dit 7 ans, certains ont dit 6 ans, certains ont dit 4 ans. Et là, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, lui dit avant qu'il ait complété Ar-Rada'a, yani l'allaitement. Allahu alam, je n'ai pas vu d'autre que lui mentionner cet avis. Je ne sais pas sur quoi il s'est basé. Mais ce qui est le plus connu, c'est qu'il est mort. Elle est morte et lui, il avait 6 ans. Et ensuite, c'est son grand-père paternel, Abdul Muttalib, qui s'est occupé de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais plus si on avait terminé ce verset. Naam. Naam. Ahsant. Yatiman fa'awa wa ja'a at-ta'bir wallahu a'lam bi fa'awa li sababi lafzi wa sababin ma'nawi. Amma as-sababi lafzi fa li ajli an tatawafaq رؤوس الآيات من أول السورة، وأما السبب المعنوي فإن لو كان التعبير فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وسلم، والأمر أوسع من ذلك، فإن الله تعالى آواه وآوى به المؤمنين، فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم بل دافع عنهم سبحانه وتعالى. Donc ici, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'avons-nous pas trouvé yatiman, orphelin, et nous avons accueilli. Ici, la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est exprimé, et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant, il y a une raison, lofzi, c'est-à-dire une raison par rapport au mot en lui-même, et une raison par rapport au sens du mot. La raison par rapport au mot en lui-même, c'est pour, afin de terminer, afin que chaque fin de verset termine avec la même terminaison. Regardez le début de la sourate. Wad-duha. Ça finit avec quoi? Alif maqsura. Wal-layli idha saja. Alif maqsura. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْلٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْ Alam yajid yatiman fa'a wa, hein, ça finit avec la même terminaison. Ça c'est le ma'na, ça c'est le, la raison lafzi, hein, par rapport au, au mot. Et il y a la raison par rapport au sens ma'nawi. Et là par rapport à la signification. Et là c'est encore plus extraordinaire. Ici le shir il mentionne Allah Azza wa Jalla n'a pas dit fa'awak, fa'awak, c'est-à-dire et qui t'a recueilli, il t'a accueilli. Il n'a pas dit on t'a trouvé orphelin, on t'a accueilli. Il a dit on t'a trouvé orphelin et on a accueilli. Sans mentionner le prophète avec le kef, kef al-mukhataba ici, qu'on pourrait traduire par toi, t'a accueilli toi. Pourquoi ? Afin de ne pas spécifier le fait d'accueillir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt, Allah, le sens est plus général. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accueilli les croyants. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a secouru les croyants et il les a renforcés. Et il a défendu les croyants. Et donc, on voit pourquoi ici, Allah n'a pas dit spécifiquement que toi, on t'a accueilli. Mais on a accueilli, yani, on a accueilli, c'est-à-dire, on t'a accueilli toi et par ton intermédiaire, on a accueilli autre que toi. Allahu Akbar. Regardez l'ulama. Regardez les savants, subhanallah, comment ils comprennent les choses. Hein? Et vous allez comprendre après pareil. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Donc ici, وَوَجَدَكَ ضَالًا أَيْ غَيْلُ عَالِمٍ. Et on t'a trouvé ضَالًا. ضَالًا, normalement, on traduit par égaré. Mais ici, ce n'est pas ça qu'il voulait dire, pas égaré, au sens hein, qu'il était égaré. Non, au sens, on t'a trouvé, hein, sans science ou sans connaissance. D'accord ? لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي أو ينزل عليه الوحي كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم ne connaissait rien avant que la révélation lui parvienne, lui descende sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit on t'a appris ce que tu ne savais pas, comme dans sourate An-Nisa. وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hein, et ce que tu lis, et tu ne lisais pas, et tu ne faisais pas partie de ceux qui lisaient. وما كنت تتلو من قبله من كتاب, et tu ne lisais pas avant cela, tu ne lisais pas, hein, à partir d'un livre, et tu n'écrivais pas avec ta main droite, car vous le savez que le prophète il était illettré. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا بل هو من الأميين. Le prophète صلى الله عليه وسلم il ne savait pas, il ne connaissait rien avant cela, avant la révélation, mais plutôt même il faisait partie des illettrés. الأميين. Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. C'est celui qui a envoyé chez les illettrés un messager d'entre eux. Et قال ابن عباس رضي الله عنه ما رضي الله عنهما الأميون العرب كلهم من كتب ومن لم يكتب لأنهم لم يكونوا أهل كتاب كما قال القرطبي في تفسيره. الإمام الحافظ القرطبي رحمه الله تعالى dans son tafsir, qui est un tafsir très connu et très important, mentionne que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit al-ummiyun, les illettrés. C'est qui est visé ici dans ce verset? Al-arab, les arabes, ceux qui savaient écrire et ceux qui ne savaient pas écrire. Mais ce qui était voulu ici, c'est que les arabes étaient un peuple qui n'était pas des gens d'un livre. Ils n'avaient pas reçu de livre, au contraire de Banu Israël. Ils n'avaient pas reçu de livre, donc ils étaient ummiyun, considérés comme illettrés. C'est ça qui est voulu. Yani, lorsqu'il dit al-Ummiyin, le shir nous dit ici, shir al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, la yaqra wa la yaktub, lakin wasala ila hadhi al-ghaya al-azima bil-wahy alladhi anzalahu Allahu alayhi. Le prophète ne lisait pas et n'écrivait pas. Cependant, il est arrivé, hein, à cette destination extraordinaire grâce à quoi? grâce à la révélation. La révélation que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée ou a descendue sur lui. Fa'alima wa 'allama. Donc il a appris et ensuite il a enseigné. Sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, mes frères. Essayez de méditer et de réfléchir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un arabe parmi Quraysh qui ne sait lire ni écrire et qui est au fin fond de la Mecque, au fin fond de l'Arabie Saoudite ou de la péninsule arabique, hein, et qui est capable de te mentionner, hein, de te mentionner les histoires, les récits des peuples précédents, en passant par Adam, wa Nuh, wa Hud, wa Salih et autres, et l'histoire de Moussa et de Ibrahim, alors qu'il ne sait pas lire. S'il savait lire, ils auraient pu dire oui, il a lu la Torah, il a lu l'Injil, il a lu ses récits dedans. Hein? Il rapporte ici des choses, hein, concernant l'univers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Si c'était vraiment, hein, il est illettré, comment pouvait-il connaître ces choses? Ceci nous prouve que le message est un message divin qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme certains ont pu le prétendre et accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit وَهُنَا قَالْ فَهَدَى وَلَمْ يَأْتِي التَّعْبِيرُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ فَهَدَاكْ لِيَكُونَ هَذَا أَشْمَلْ وَأَوْسَعْ فَوَقَدْ هُدِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهَدَى اللَّهُ بِهِ فَوَهَادٍ مَهْدِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَنْ فَهَدَى أَيْ فَهَدَاكْ وَهَدَى بِكْ. Là c'est pareil que tout à l'heure quand on a parlé de فَأَوَى. Ici Allah dit فَهَدَى, et il a guidé, il t'a trouvé, hein, sans connaissance, et il a guidé. Il n'a pas dit et il t'a guidé. فَهَدَاكْ, il a dit et il a guidé. Donc ça c'est comme tout à l'heure, hein. C'est afin que le sens soit plus complet, plus général, plus vaste, pour dire que tu as été guidé par Allah, mais également Allah, par ton intermédiaire, il a guidé autre que toi. Donc le prophète, il est guidé et il guide, sallallahu alayhi wa sallam, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit fahada, c'est-à-dire qu'il t'a guidé toi ya Rasulallah, mais également qu'il a guidé par ton intermédiaire autre que toi, afin que le sens soit plus général. Regardez le Coran, hein? Allah azza wa jal, sa parole est parfaite, hein? Des fois on peut minimiser, non mais là il y a une lettre, c'est pas grave si on change une lettre, si on change une haraka, si on change, non. Chaque lettre, chaque haraka, elle a une sagesse derrière. C'est pour ça que les ulama expliquent que dans le Coran, il n'y a rien qui est inutile, ou il n'y a rien qui est futile, ou il n'y a rien qui est sans raison. Comme les lettres avant le début des sourates, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Noun, Qaf, Hamim, Yasin, hein? Ces lettres, ils ont divergé sur le sens de ces lettres, ils ont donné plusieurs explications. Et parmi l'avis, hein, qui apparaît le plus dur, c'est que le sens de ces lettres, Allah subhanahu wa ta'ala connaît son sens véritable. Mais elles ont un sens, elles ont un but, elles ont quelque chose, une sagesse. On ne dit pas, elles sont comme ça, hein, Allah les a mis comme ça pour... Hein, d'accord. Donc il n'y a rien dans le Coran qui est mis par hasard, ou qui est, hein, qui est en plus, ou qui est... Non, chaque lettre a une sagesse. Et là, si Allah n'a pas dit « fahadak », c'est pour une sagesse. C'est pour nous montrer que Allah, il t'a guidé toi, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi il a guidé autre que toi par ton intermédiaire, afin que ça englobe les deux. ثم قال سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فأغنى أي ووجدك فقيرا لا تملك شيئا. C'est-à-dire il t'a trouvé pauvre, tu ne possédais rien. Fa'arna, alors il a enrichi. Ay, arnaka wa arnabika. Comme pour les deux précédents. C'est-à-dire qu'il t'a enrichi toi, et il a enrichi autre que toi par ton intermédiaire. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allahu ta'ala wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha. Hein? Wa ma akthara ma ghanima al-muslimoun. من الكفار تحت ظلال السيوف غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته فنصرهم الله تعالى به وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a enrichi le prophète après l'avoir trouvé pauvre, et il a enrichi autre que lui par son intermédiaire sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah vous a fait la promesse d'un butin immense que vous allez prendre. Et quel butin au pluriel, hein, les musulmans ont bénéficié, hein, à l'aide, hein, ou sous, là ici littéralement en arabe on dit sous l'ombre de l'épée, yani, hein, lorsqu'ils ont conquis, hein, les différentes contrées, hein, les pays des mécréants, hein, ils ont eu des butins extraordinaires, des grands butins, que ce soit la bataille de Hunayn, que ce soit la bataille de Khaybar, hein, ou que ce soit dans les conquêtes après de la Perse, hein, de l'Empire byzantin. Regardez les musulmans, ils sont partis d'une ville, Médine. Médine est la première capitale de l'islam. D'où est parti l'islam, avec quelques milliers de compagnons, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'empire islamique s'est propagé, s'est agrandi. Et au fur des conquêtes, et au fil des conquêtes, hein, les musulmans se sont accaparés de grands butins. Hein. Et rappelez-vous la bataille d'Al-Khandaq. En quelle année la bataille d'Al-Khandaq? 5. 5, Ahsan. Bataille d'Al-Khandaq, la bataille du tranché qu'on appelle aussi la bataille. C'est l'autre du soir. Ouais. Elle a deux noms, la bataille d'Al-Khandaq. Ouais. Qui me dit? Al-Ahzab. Al-Ahzab, les coalisés. Les coalisés, pourquoi? Parce que les ennemis d'islam s'étaient unis pour combattre l'islam. Les Quraysh, hein, les tribus de Ratafan, Wal Yahoud, hein, ils ont fait une armée de 10 000 hommes pour attaquer la ville de Médine. Hein? Et les musulmans donc se sont préparés comment? En construisant ou en creusant cette tranchée qui était l'idée de qui? Salman al-Farisi. Salman al-Farisi a dit, nous en Perse, lorsqu'on assiège une ville, on creuse une tranchée pour éviter que l'armée puisse rentrer dans la ville. Et les Arabes ne connaissaient pas ce stratagème. C'était nouveau pour eux. Donc ils ont creusé une tranchée. Et c'était très difficile. Les musulmans avaient très faim et très soif. Ils étaient dans des grandes difficultés. Et pendant un moment, ils sont tombés sur une grosse pierre. Ils n'arrivaient pas à la casser. Ils ont prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète est rentré dans la tranchée et il a frappé, il a dit Allahu Akbar, et il a frappé la pierre qui s'est fendue, et il a dit, je vois les trésors de Kaysar, hein, le roi des Perses. Allahu Akbar, et il a encore, hein, frappé la pierre qui s'est cassée encore, hein, il a dit, je vois les trésors des Byzantins, du roi des Byzantins. Son nom ne me revient pas là tout de suite. Non, c'est pas lui. Héraclès, c'était l'empereur, c'était le celui qui était comment dire. Il y avait un autre nom qu'il a mentionné dans le hadith, mais il n'a pas mentionné Héraclès. J'ai oublié son nom. Kisra, non, voilà. Kisra, c'était le roi des Perses, et Kaysar, c'était le roi des Byzantins, l'empereur des Byzantins. Voilà, excusez-moi. Kisra, c'était le roi des Perses, et Kaysara, le roi des Byzantins. Je vous rappelle que les Byzantins, hein, ça remonte aux années du collège. Hein, je ne sais pas si vous avez étudié ça. Mais c'était les Romains de l'Orient, hein, les Romains donc de Rome, hein, qui étaient en Europe, on les appelait les Romains, mais les Romains qui étaient en Orient, c'est-à-dire au Chem et au nord de l'Afrique, on les appelait les Byzantins. Et à l'époque, les deux plus grands empires étaient l'Empire romain et byzantin ensemble et Perse. Hein. Et le prophète est dans la tranchée avec quelques milliers de sahaba. Ils sont morts de faim. Hein, à tel point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon s'est plaint de la faim au prophète. Il lui a montré son ventre, il avait attaché une pierre à son ventre, afin que la pierre appuie sur son estomac, pour que son estomac ne réclame pas à manger. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu ça, il lui a montré son ventre à lui, il avait accroché deux pierres, sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous montrer la grande faim extrême des compagnons et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est au fond d'une tranchée. Ils vont se faire assiéger par 10 000 hommes. Alors qu'eux, ils sont que 3 000 ou un peu plus. Ils sont morts de faim. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur annonce les trésors des Perses et le trésor des Byzantins. Bila alaykoum, mes frères. Si c'est vous qui êtes à la place des compagnons, n'allez-vous pas penser, mais il divague. Il part dans son imagination. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de ses propres passions. Il parlait par révélation, sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, des années après, les musulmans ont conquéri la Perse et ont conquis. Ils ont conquis les Byzantins. Ils ont pris leur butin, les palais des rois byzantins et des rois perses. Et même ils étaient plus loin, ils ont conquis l'Afrique, ils ont conquis le sud de l'Europe jusqu'à monter au sud de Paris, à Nevers, à une heure de Paris. Et ils sont partis jusqu'en Indonésie. Tout ça a été sous l'Empire musulman. Ils sont partis en Azerbaïdjan, ils sont partis dans les pays Ouzbékistan, Turkménistan, etc. Ils ont tout conquis. Ils ont ramassé un butin énorme. Donc vous comprenez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Et on t'a trouvé appauvri et on a enrichi. C'est-à-dire on t'a enrichi toi et on a enrichi aussi les autres par ton intermédiaire. C'est-à-dire avec les butins qu'ils ont amassés durant les conquêtes. Hein? Et donc par la cause de ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui ils ont été guidés avant toute chose, ils ont été guidés en suivant sa voie, ils ont suivi sa sunna et Allah les a fait triompher et Allah leur a donné les butins de l'est et de l'ouest, radiyallahu anhum ajma'in. ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم والغنى والعزة والقوة ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منهم ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام وغذلان الإسلام. Et si la communauté musulmane, à notre époque, revenait sur ce quoi étaient les pieux prédécesseurs, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur aurait donné la victoire. Allah nous aurait donné la richesse. Allah nous aurait donné la puissance. Allah nous aurait donné la force, nous dit le Shir. Mais malheureusement, la communauté musulmane, à notre époque, chacun regarde son propre intérêt. Chacun veut tirer la couverture à soi-même, comme on dit en français. Et il ne regarde pas ce qui pourrait amener la victoire de l'islam. ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيرا أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين. Et celui qui méditera sur les événements qui se passent tout récemment, qui se passent, là le Shir il parle il y a quelques dizaines d'années, mais la parole est quand même d'actualité à notre époque. Si on regarde l'état de la communauté musulmane et si on regarde les événements qui se passent dans le monde et dans le monde musulman, on verra que en réalité ici il y a quoi? Il y a un abandon pour les musulmans. وأنها سبب للشر عظيم كبير يرتقب من وراء ما حدث ولا سيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض وبعضهم لبعض أولياء بعضهم لبعض pardon. كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وهم أعني اليهود والنصارى متفقون على عداوة المسلمين على عداوة المسلمين pardon. كل لا يريد الإسلام ولا يريد أهل الإسلام ولا يريد عز الإسلام ولكن سينصر الله تعالى دينه مهما كانت الأحوال. Et donc si on regarde mes frères, hein, l'état ou les événements actuels, on se rencontrera que les musulmans sont dans une, hein, dans une faiblesse ou dans un état d'abandon, hein. Et ceci est causé, hein, par tous les événements, hein, tout le mal, le grand mal qui est derrière eux. Et bien sûr, plus particulièrement, hein, ici nous dit Al-Yahoud wa Nasara. Hein? Ceux qui sont des alliés les uns pour les autres. Ils sont alliés entre eux. Al-Yahoud wa Nasara, ne croyez pas qu'ils sont ennemis. Ils sont alliés ensemble, les uns avec les autres. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Cheikh Al-Othaymeen qui le dit. C'est qui le dit? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il dit, oh vous qui croyez, ne prenez pas Al-Yahoud ou Al-Nasara comme alliés, car ils sont certes des alliés les uns avec les autres. Ceux-là, Al-Yahoud ou Al-Nasara, ils sont unanimes sur l'animosité contre les musulmans, sur le fait qu'ils ne veulent pas l'islam, ils ne veulent pas les gens de l'islam, ils ne veulent pas la puissance de l'islam. Regardez, regardez-les. N'est-ce pas qu'ils s'allient ensemble contre l'islam? Regardez au Sham en Palestine, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qui supporte Al-Yahoud? Nasara? Hein? Ce sont les pays occidentaux, n'est-ce pas? Hein? Et en ouvrant la parenthèse, hein, les savants, les ulama mentionnent, il est interdit, il n'est pas permis d'appeler la Palestine Israël. C'est pas Israël. C'est Palestine. Hein? Et ceux qui sont là-bas, Al-Yahoud. Mais le pays, c'est pas Israël. Israël est innocent de ces gens-là. Israël, c'était Yaqub, alayhi salam. Mais le Shir nous dit, et ça c'est très important, mais Allah subhanahu wa ta'ala secourra sa religion. Qu'importe la situation. فالله تعالى ناصر دينه وكتابه وإن حصل على المسلم من يحصل فإن الله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala secourra sa religion qu'importe la situation, car Allah subhanahu wa ta'ala est le secoureur de sa religion et de son livre. Et il arrivera pour les musulmans, et même s'il arrive pour les musulmans, ce qui arrive en ce moment, si tu regardes l'état de la communauté musulmane, tu dis mais comment on peut avoir la... c'est impossible, on a la victoire, on est dans une faiblesse, nos armes sont 50 ans en arrière par rapport aux armes des kofars par exemple. Hein? On est tous divisés. Hein, si on regarde la situation des musulmans, on peut être pessimiste, entre guillemets. Mais ici, le Cheikh nous dit, Allah nous secourra. Quoi qu'il arrive, n'importe quelle situation on arrivera, Allah nous donnera le secours. Et Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, et hein, durant ces jours-ci, Allah hein, fait changer la situation pour les gens. وسيأتي اليوم الذي يجاهد فيه المسلمون اليهود حتى يغتبئ اليهودي تحت الشجر فينادي الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تحتي فيأتي المسلم ويقتله وما ذلك على الله بعزيز mais il arrivera le jour où les musulmans combattront contre les Yahoud, à tel point que les Yahoud, ils vont se cacher, hein, sous un arbre, et l'arbre il va appeler, là il va dire, oh musulman, oh Abdallah viens, il est sous moi, et les musulmans viendront et tuera le Yahoud. comme l'a rapporté l'imam Muslim. Hein? Non, on ne croit pas à ça, les Arabes ne parlent pas, non, les Yahoud, c'est nos frères, de, hein, on est des religions frères monothéistes, etc. Hein, comme on peut entendre hein, les beaux penseurs, en costard cravate, qui viennent à la télévision, qui ont étudié la chimie ou la physique, ils ont décidé de se mettre dans l'islam, et ils viennent et ils parlent sur Kitabullah et sur la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils te disent non, non, ça c'est hadith. Un Arabe ne peut pas parler, c'est pas possible. Les Yahoud, c'est nos frères, c'est nos, on a le même Dieu. Hein? Ils viennent te lancer hein, cette pseudo-propagande de l'unicité des religions monothéistes. Allahu al-musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, il nous dit que ce jour-là, l'arbre y parlera, et donc on croit que l'arbre y parlera. Et l'arbre y dénoncera un yahoud qui s'est caché sous lui afin que le musulman puisse le combattre. ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة بأحكام الشريعة قبل كل شيء. Cependant, les musulmans, ils ont besoin, hein, ils ont besoin d'avoir des chefs pleins de sagesse et de science. Ni de science, selon qui connaissent les jugements religieux avant n'importe quelle chose. لأن القيادة بغير الاستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبال. Parce que comment on appelle ça, je crois. Les chefs là, je sais pas comment. Ceux qui ont le pouvoir, ni les chefs. Hein, qui ne profitent pas de la lumière de la charia, hein, leur destination, la finalité des choses, c'est quoi? C'est tout simplement la perte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas œuvré avec la charia, avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. مهما علت ولو علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قعر وقعر. Qu'importe hein, le rang où ils monteront, qu'importe hein, qu'ils atteignent la plus grande valeur hein, s'ils n'agissent pas à la lumière de la charia, ils redescendront au plus profond hein, des abîmes. En plus bas des profondeurs. Al hidayatu bil islam bi nul al islam la bil qawmiyya wala bil asabiyya wala bil wataniyya wala bi ghayri dhalik bil islam faqat fal islam wahdahu huwa al kafil bi izzati al umma. Et donc la guidance, elle est avec l'islam, avec la lumière de l'islam, et non pas avec le nationalisme, ou avec le tribalisme, ou avec le patriotisme. C'est pas ça qui fait triompher. Ce qui fait triompher, c'est l'islam uniquement. Uniquement. Fait l'islam seulement est la garante de la puissance de la communauté. Tant que les chefs musulmans ne seront pas unis sur la charia, la communauté ne retrouvera pas sa puissance. لكن يحتاج الى قياده حكيمه تضع الاشياء مواضعها وتتانى في الامور ولا تستعجل ولا يمكن ان يصلح الناس بين عشيه وضحاها. Mais la communauté a besoin de chefs hein, qui sont sages, qui mettent les choses à leur place. C'est ça la sagesse. C'est quoi le hikma? Wad'u shay fi mawadi'i fi mawadi'i. La hikma, la sagesse, c'est le fait de mettre une chose à sa place. Et donc il faut qu'ils mettent les choses à leur place et qu'ils agissent avec intelligence, avec patience, et qu'ils ne se dépêchent pas. Il n'est pas possible de régler tous les problèmes de la Oumma entre le soir jusqu'au petit matin, nous dit le Shir. En une nuit, tu ne peux pas régler tous les problèmes. Et c'est ça le problème. Les gens sont pressés. Ils veulent que tout change d'un seul coup. Ce n'est pas possible. وَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُغَيِّرَ اللَّهُ سُنَّتَهُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُغَيِّرُ سُنَّتَهُ فَهَذَا نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَقِيَ فِي مَكَّةِ 13 سَنَةً يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحِيُّ وَيَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَمَعَ ذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ خَرَجَ مِنْ مَكَّةِ خَائِفًا مُخْتَفِيًا لَمْ تَتِمَّ الدَّعْوَى فِي مَكَّةِ فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم بين عشية والضحاها هذا سفه في العقل وضلال في الدين Il nous dit le Cheikh, celui qui veut cela, hein, alors il veut changer hein, les lois d'Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne changera pas ses lois. Ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est resté à Mekka pendant 13 années. Et la révélation descend sur lui. Il appelle les gens à Allah de la meilleure des manières. Malgré ceci, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a quitté Mekka, apeuré, en se cachant. Et la prédication n'a pas abouti à Mekka, après 13 ans. Alors pourquoi nous, la communauté aujourd'hui, avec tous ces siècles qui sont passés, hein, tous ces égarements qui sont venus, toute cette faiblesse qui s'est amassée, et toute cette négligence et ce sommeil dans lequel on est depuis des années et des années, voire des siècles, on veut changer d'une nuit, à partir de la nuit jusqu'au petit matin. Comment c'est possible ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, n'a pas arrivé à le faire en 13 ans. Alors que, hein, il était le prophète et la révélation tombait sur lui ou descendait sur lui. On finit juste ça, vite fait, avant qu'on fasse l'adhan. Al-umma tahtaj ila ilaj rafiq hadi wa da'wa billati hiya ahsan. Al-umma al-islamiyya tahtaj ba'd al-fiqh fi dinillah wal-hikma fi da'wati ila Allah. تحتاج إلى العلم بالواقع والفتنة والخبرة والنظر في الأمور التي تحتاج إلى النظر بعيد لأن النتائج قد لا تتبين في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لكن العاقل يصبر وينظر ويتأمل حتى يعرف والأمور تحتاج أيضا إلى عزم والتصميم والصبر لأنه لا بد من هذا لا بد من عزم يندفع به الإنسان ولا بد من صبر يثبت به الإنسان وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها والله المستعان. Et le Cheikh nous dit ici pour terminer ce passage, la communauté musulmane a besoin hein, d'un remède ou a besoin de solutions, mais de solutions douces, de solutions posées, de solutions réfléchies. Salam en tant qu'atout. Et d'appeler à ce qui est meilleur. La communauté musulmane a besoin, hein, après la compréhension dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sagesse dans la prédication à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a besoin de la science, des choses qui se passent en ce moment. Elle a besoin de connaissances et d'expérience. Elle a besoin d'analyser les choses hein, et d'analyser hein, au loin ce qui arrive. Hein, car les résultats de ceci, les résultats ne vont pas apparaître hein, dans un mois ou en deux mois ou en un an ou en deux ans. Mais celui qui est doué de raison, il patiente. Il analyse, il réfléchit et il médite jusqu'à qu'il sache. Et ces choses hein, ont besoin d'organisation. Ces choses ont besoin de quoi ? De méditation, hein, ont besoin de réflexion, ont besoin de patience. C'est obligatoirement, t'es obligé d'avoir ces choses-là. Hein, la patience permettra à la personne hein, d'être ferme et de s'affermir. Et si elle ne met pas ces choses en place, alors beaucoup des affaires vont lui passer, hein, et ils vont lui échapper. Wallahu al-musta'an.